ليلى ليلى ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي On a le sang qu'il faut, ouais, le 1, 2, 3, Marseille, c'est Dance all right pour faire bouger les dents. Bouge ton hooligan comme il faut. Fais-moi zizir, c'est pas grave si tu transpires pire. Dirty one comme il faut. Un pas à gauche, un pas à droite. Et on met les limites à tel l'isor. Un pas à gauche, un pas à droite. Et on met les limites à tel l'isor. Easy style, allez, on accélère. J'espère que tu ressens la chaleur, celle qui veut vibrer les âmes et les cœurs. Il est l'heure que tout le monde donne le maximum. On met la gomme, booster des.